Je peux te dire qu'elle a plein de dégâts, dis bien. Y'a pas que elle qui est belle, gentille, qui sait faire la cuisine. Je sais que c'était elle que t'aimais, ton bébé, ta vitamine. Un conseil ne la calcule pas si elle fait sa maline. Mon centre-bout s'est cassé, je crois bien qu'il n'y a plus de magie. Ne lui envoie plus de messages et tu verras comment elle réagit. Si c'est pas la bonne, tant pis, parce qu'à force ton cœur est moisi. Sache que la famille c'est la famille, et sa femme on l'a choisi. Pourquoi tu te fais du mal, laisse la. Je sais pas, je fais n'importe quoi. C'est qu'un conseil, moi c'est pour toi. Laisse-moi tomber, j'apprends comme ça. Allez oublie la la la la la la la la. Elle s'en fout de toi la la la la la la la la. Allez oublie la la la la la la la la la. Elle s'en fout de toi la la la la la la la la. C'était elle que je voulais. Mignonne et elle en jouait. Le singe veut pas rigoler. J'suis dans un mauvais d'elle ou je dois l'oublier. Je lui ai dit insane. Moi je l'aime mais elle me voit comme un ennemi. Putain je t'ai fait confiance et tu t'es cru tout permis. Des fois je me dis c'est moi le fou, alors nos messages les relis. T'étais pas sérieuse, t'étais vicieuse et beaucoup menteuse. Trop d'accent douteuse, on m'a dit fais gaffe elle est dangereuse. Ça part de là, t'es plein de bébés, je suis trop bien quand t'es là. S'il te plaît, laisse-moi, j'ai besoin de prendre le large. Tu m'as trop blessé, faut plus qu'on se voit là. Pourquoi t'écoutes ce qu'ils disent les gens? Tu sais que sur moi, ils racontent que des légendes. On voit ton visage, une belle femme attachante. Je t'aimais pour ta douceur, t'es devenue méchante. Pourquoi tu te fais du mal?